C'est l'amour de ma vie comme l'oracle que j'ai tiré ce midi. Au lieu de me tirer d'une quartier pourri, c'est la même. Chaque été je dis que je vais me casser mais je fais rien. Résultat, l'hiver est passé. Raide, défoncé, le temps s'écoule comme un weed sur mon palier. Ou ces soirées à s'en fumer les crocs serrés. Je dirais que c'est rien de pareil à l'automne dernier où la maman s'est tuée dans un virage géré. Fuck les tailles m'ont bluffé, ils ont laissé passer le vieux bœuf et veulent buffer les bofs en me faisant passer pour un bouffon qui tire des bouffées de bœuf. Mettre des baffes à son bœuf, t'as cru parce que j'étais français que j'ai oublié que j'étais Madinina. Mon âme m'appartient pas, je vais pas te la vendre pour que tu m'apprécies. Flex Sarkozy, pour lui t'es si égal. Délinquance, pour moi délinquance égale innocence agressée. Et pour que ça se passe, on va presser. Aucune danse capable pour aiguiller mon peur à des pleurants. Face à cette ponctue de peur, de peur et d'écœurement. Mon décor sent la tristesse, les montées de stress, la poisse et la tisse. Mon cœur se sent de justesse, sans âme sœur et le latisse. J'en ai assez d'avoir comme seule compagne la dépression. Faire les sympas bouffant les doigts en centre de réanimation. Des fois j'oublie ma rome, les drames coûteront. Mais quand les gens me gâchent, je mettrai de côté pour faire parler le chrome. Dans un appart ou dans une allée, la mort est prête parfois de coincer. C'est chaud chez nous et aussi chez toi, je le sais. De Toulon à Paris, la même misère, le même refrain. Nos filles, c'est comme une partie de diam. Un jour on collerie et un jour c'est le drame. Un jour tu perds et un jour tu gagnes. Un jour c'est gratuit, un jour on te condamne et un jour tu gagnes. On va presser, dépasser la presse et les médias stressés, effacés. Les pincés, les noirs complexés. Fait que la bague et les keufs m'a placé. J'évite les excès, gardant ce pays. Sur toi, on est vite fixé. L'heure du revers, la médaille d'or m'a posé en posant, en défacé. En le faisant pour faire le bien, me surpasser en phrasant. Rarement t'es plaisant, toujours faire ça bien, même sous pression pesante, je me présente. Je veux vos gros filles en guise d'âme pour atténuer mon trauma. Car autrement je devais violent à la tisse, souvent cramé. Souvenir de comment j'en suis venu à la picole. Depuis la petite école, j'en ai bavé, maf si j'en rigole. Regarde ce que je suis devenu, un revenant pour qui les sentiments et l'amour propre sont mis à la rue. Si je ris si souvent, c'est que taper la gueule, ça gâche. Si mes rimes fâchent, m'en bats les couilles, tout ça c'est pour mes proches. Encore une année passée, ma solitude s'est renforcée. À trop miser, je m'efforce, et puis trop teaser, mon corps s'est plissé. A une quant à elle a perduré dans les tranchées. Mon rapport d'homme s'y aiguisé, frappe la domaine sans jamais s'éclipser, j'en sais les faits. La déprime à l'alcoolémie, car tout homme s'est fait. Trahi par sa femme et ses amis qui bouffent ma rage en pleine gueule.